Ce que vous entendez là, ce sont les slogans des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles qui sont en grève depuis le 17 juillet 2019, soit près de 20 mois de grève. Les femmes de chambre continuent de lutter pour mettre fin à la sous-traitance et décrocher de meilleures conditions de travail. Dans ce premier épisode, il s'agit donc de cerner et de comprendre les dynamiques de domination, mais également de comprendre le lien entre l'histoire coloniale, sa continuité et l'exploitation des personnes racisées. L'exploitation économique des personnes racisées, même si l'exploitation économique existe sous le capitalisme, elle est constante, mais pour les personnes racisées, cette exploitation est encore plus prononcée. Le vendredi 9 avril, place Saint-Michel, lors d'un rassemblement de soutien aux salariés de Monoprix, j'ai eu l'occasion de parler avec Rachel Kéké, porte-parole de cette lutte, qui nous a parlé de leur combat, mais aussi des revendications qu'elles portent. Je m'appelle Kéké Raissa Rachel, je suis gouvernante à l'hôtel Ibis Les Batignolles, gréviste depuis le 17 juillet 2019. Mais en fait, nous sommes en lutte par rapport à nos conditions de travail. C'est-à-dire nous luttons contre la sous-traitance pour qu'il n'y ait plus de sous-traitance à l'hôtel Ibis Les Batignolles et être internalisé par le groupe Accor. Nous revendiquons aussi la baisse de cadence, c'est-à-dire nous faisons 3,5 chambres de l'heure et nous demandons aussi qu'on nous donne une prime de panier parce que quand nous arrivons, il faut qu'on mange. Donc on demande une prime de panier, on demande aussi des changements de qualification et on demande aussi les mutations abusives. Donc c'est pour ça que nous sommes sortis du silence, pour pouvoir dénoncer certaines choses, puisque la sous-traitance, c'est la maltraitance. Parce qu'au sein des hôtels, comme on dit, s'il n'y a pas de femmes de chambre, il n'y a pas d'hôtel. Parce que les hôtels en France, c'est quand même les femmes de chambre, et les femmes, surtout issues de l'immigration, qui faisons ce boulot-là. C'est un travail qu'on aime, donc il est temps que le groupe Accor arrête la sous-traitance dans ces hôtels, pour pouvoir internaliser directement ces femmes-là pour pouvoir travailler dans la dignité et puis dans la paix, dans la légalité. Mais la grève, ça fait 21 mois que nous sommes en grève et que le groupe Accor joue à la sourde oreille. Aujourd'hui, le groupe Accor qui dit que nous ne sommes pas leurs salariés, que nous sommes les salariés de SCN et que le groupe Accor oublie que c'est lui qui est le donneur d'ordre. C'est son établissement. C'est lui qui met la sous-traitance dans son établissement. C'est lui qui permet à la sous-traitance de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir faire de l'esclavagisme dans son hôtel. Donc, il est temps que le groupe Accor prenne les choses en main parce qu'ils ne vont pas laisser pourrir quand même ce conflit pendant jusqu'à 21 mois, même s'il y a le COVID. Le COVID, ça fait qu'un an. Donc, ils ne vont pas se baser sur le COVID pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir pourrir ce conflit. Donc, il est temps, c'est pour ça que je profite pour dire à M. Sébastien Bazin et que ça ne sert à rien de dire qu'ils nous ont proposé des choses et que les syndicats et les grévistes ne veulent pas. C'est archi faux. Nous, on est partant en toute négociation. Donc, il est temps de pouvoir finir ce conflit-là. Elles sont 20 employées à faire grève avec Rachel Kéké. Elles réclament la fin de la sous-traitance, ce qui leur permettrait d'avoir les mêmes droits que les employés de l'hôtel. Et elles dénoncent la cadence infernale, le fait de devoir soi-même laver sa tenue de travail, le fait de ne pas avoir une prime panier pour déjeuner, en plus d'un cas de viol. Donc par la suite, nous avons voulu en savoir plus sur les mécanismes de domination dans le travail des femmes de chambre, et donc nous avons rencontré la politologue et militante décoloniale, Françoise Vergès. Je sais que vous avez envie d'écouter Françoise Vergès, mais juste avant, je voulais qu'on parle de l'accumulation des différentes oppressions que que connaissent ces femmes de chambre. Finalement, elles connaissent une oppression économique, une oppression raciale, mais aussi une oppression sexuelle et sexuée. Finalement, c'est ce qu'on peut appeler donc des violences systémiques. Et cette multiplicité des oppressions est abordée par Françoise Vergès dans son tout dernier ouvrage, Une théorie féministe de la violence. Page 41. Je cite « En France, les femmes noires grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles font aussi le lien entre exploitation économique, harcèlement racial et violence sexuelle. En 2019, lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes, les quelques mots écrits à la main sur une pancarte tenue par l'une des grévistes résument bien les choses. Exploitation des femmes de chambre, c'est aussi ça, les violences sexistes. La relation entre exploitation économique, racisme, mépris de classe et violences sexuées et sexuelles est évidente. Les industries qui emploient, précarisent et exploitent des femmes racisées, restauration rapide, hôtellerie, soins à la personne, sweatshops, sont toutes des industries avec des taux de harcèlement sexuel et racial très élevés. » Fin de la citation. Françoise Vergès va tout d'abord nous parler de la convergence des luttes, puis du lien entre histoire coloniale et exploitation des femmes racisées, et enfin de l'invisibilisation de ces femmes et de cette lutte. Il y a toujours eu dans des groupes de femmes, dans des communautés de femmes, si on repart même, je veux dire, très tôt, des femmes qui se sont syndiquées, des femmes immigrées qui se sont syndiquées, qui ont rejoint des syndicats, qui se sont créées en collectif, qui ont lutté. Il y a une longue tradition de lutte contre le féminisme anticapitaliste. Et comme vous le savez, pour moi, par exemple, les grèves des femmes de ménage dans les hôtels ou dans les grands ensembles, enfin, c'est-à-dire le ménage dans l'espace public, pas seulement dans la maison, hein, dans l'espace privé, ce qu'on appelle domestique, est absolument très parlant de lutte féministe, pour moi, radicale, subversive, parce qu'elle met en lumière absolument sur quoi repose le fonctionnement de la société. C'est-à-dire sans leur travail, qui est présenté comme sous-qualifié et qui est sous-payé et qui est très méprisé, sans leur travail, la société ne fonctionne pas. Sans le travail de ces femmes qui nettoient les hôpitaux, les universités, les centres commerciaux, les bureaux du gouvernement et des ministres et des banquiers, des assureurs, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Ou même, on va me dire aujourd'hui, beaucoup sont fermées, mais c'est celles qui continuent à faire, qui se vont s'occuper des enfants, qui vont, et qui sont donc épuisées par cette économie capitaliste patriarcale, qui fait reposer sur leur dos, au sens vraiment physique du terme, tant de responsabilités, tant de tâches. Et il y a un féminisme de, pour moi, de libération, ne peut pas négliger cela, ne peut pas négliger le fait que le capitalisme racial épuise les corps et les esprits. On le voit bien, les femmes de ménage disent à quel point, très rapidement, elles ont un corps abîmé par toutes les articulations, ou même les caissières aussi, tous les problèmes musculo-squelettiques, et la fatigue aussi psychique que cela entraîne, le stress que cela entraîne, la peur de perdre son boulot. Et on voit donc qu'on est au cœur là, de l'oppression et de l'exploitation. Et ce n'est pas quelque chose d'à côté, c'est absolument au cœur. Donc il faut partir de ce cœur-là, et voir comment lutter. Je ne pense pas, il ne peut pas avoir de lutte anticapitaliste sans lutte féministe et vice-versa, et sans lutte antiraciste. À ce moment-là, ce sont des luttes d'aménagement du système, ce sont des luttes, et en fait, le système demeure le plus fort. Il s'est quand même perfectionné pendant des siècles. Il a appris. Ça fait des siècles que ce ravage sur la terre et les corps s'est mis en place. Ce n'est pas d'hier, c'est dès l'esclavage et la colonisation. Donc on est face à un système qui a affiné ses armes et contre lesquelles, mais que les armes, nous avons des armes, il y a des armes, nous pouvons bloquer la machine. Ensuite, Françoise Vergès nous parle du lien qui peut exister entre histoire coloniale et exploitation des personnes racisées, ici en l'occurrence des femmes. Alors, si on reprend très rapidement Avec l'esclavage, sous l'esclavage colonial, ce sont des femmes noires qui vont faire le ménage. Je dirais il y avait d'abord en Europe, il y avait d'autres femmes, mais là, c'est vraiment les femmes noires. Il y a un travail de soins et de nettoyage qui leur est confié dans la maison du maître. C'est elles qui nettoyaient, qui prenaient soin des enfants, qui prenaient soin des femmes, des épouses. Et donc, on a une constitution d'une structure où effectivement la femme blanche est présentée comme fragile, comme docile, comme ne pouvant pas faire de très lourds travaux. Et où la femme noire, par contre, elle est assignée à de très lourds travaux. Les femmes esclavagisées étaient envoyées aux travaux les plus durs dans les champs. Quand elles étaient enceintes, pratiquement elles pouvaient donner naissance dans un coin du champ. Il n'y avait absolument pas une journée pour qu'elles prennent soin de leur nouveau-né. Elle devait se remettre au travail. Et donc, on peut voir, si vous voulez, dans cette question de genre, qui est la manière dont le genre est organisé par l'Occident colonial, en fait, les femmes noires sont à la fois des femmes, puisqu'elles sont utilisées pour le soin des enfants du maître et des femmes, et puis comme objet sexuel, et pour la reproduction des enfants, des êtres humains esclavagisés, mais elles sont aussi traitées à la fois comme des hommes, je dirais, elles sont aussi durement traitées que les hommes esclavagisés. Elles sont punies aussi durement. Donc on voit que le genre ne fonctionne pas du tout de la même manière, comme les féministes occidentales veulent le montrer. Il y aurait binaire femme-homme. On voit que finalement, l'esclavage à la fois utilise le genre, évidemment, mais à la fois, finalement, quand ce n'est pas son intérêt, n'a aucune importance au fait que ce soit des femmes. Donc, on a une exploitation de cela. Il y a aussi un autre aspect qui est très important et qui émerge sous l'esclavage et ensuite après sous le colonialisme, c'est la notion de propriété privée qui entre très peu dans les analyses des féministes blanches. C'est-à-dire alors qu'elles n'ont pas de droits, beaucoup de droits civiques ou civils, elles n'ont pas le droit d'aller à l'université, elles n'ont pas le droit d'être avocates ou médecins, elles ont le droit à la propriété privée parce que blanches. Donc, on voit que le genre, là, pour elles, ne rentre pas. Elles peuvent posséder des êtres humains et elles en posséderont. Elles seront esclavagistes, elles seront à la tête de plantation. Donc, là, c'est un capital pour elles. Donc, les êtres humains deviennent un capital. Et ça, c'est absolument très important parce que la propriété privée va être au cœur de la construction du colonialisme et de l'esclavagisme. Prendre possession de terres, prendre possession de peuples, prendre possession de ressources et s'approprier, c'est-à-dire faire des lois qui justifie cette appropriation. Donc toute cette construction qui va se renforcer aujourd'hui avec donc se fonde aussi sur la naturalisation et la normalisation de cette exploitation. Le fait que toute la richesse de l'Europe va se fonder sur l'extraction et l'exploitation. Extraction de l'or, de l'argent, ensuite café, tabac, sucre, indigo, enfin tout ce qui est coton, tout cela, qui va construire la richesse. Et donc on va à la fois abîmer les corps, puisque les gens dans les plantations, ce qu'on peut appeler l'espérance de vie, était de 8 à 10 ans parfois. On épuisait les personnes jusqu'à la mort. Et peu importe, parce que quand on entend parfois ici en France dire... Non, mais en fait, ils prenaient soin des esclavagisés parce qu'ils en avaient besoin. Pas du tout. Parce qu'en fait, on en faisait venir. La France, les colonies françaises, en faisaient venir constamment. Et dans les colonies américaines, ça reposait sur le viol des femmes noires qui devenaient donc. Donc on voit qu'il y a vraiment une économie d'extraction et d'épuisement qui est au cœur de la richesse qui est construite et dans laquelle les femmes sont complices. Les femmes blanches vont être complices. Elles ne sont pas, elles sont à la fois évidemment dominées par les hommes, mais il y a des femmes blanches qui vont être complices, comme je le dis, qui vont avoir à cause de ce droit de propriété. Et ensuite, il y a aussi le fait de ce que Silvia Federici a montré, c'est que l'oppression des femmes en Europe, notamment dans la chasse aux sorcières, elle est contemporaine, elle est au moment de la traite des Noirs. Donc il y a aussi un renforcement des pouvoirs qui se fait à la fois en Europe et dans les colonies. Mais au fur et à mesure en Europe, les pouvoirs, les États vont offrir aux femmes blanches un petit morceau de pouvoir, un petit morceau de possibilité, et qui repose toujours sur l'exploitation et la domination de femmes racisées. L'enrichissement de la France dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses dans les années 60-70, elle se fait d'une part par l'importation massive de travailleurs immigrés qui vont construire les routes, les immeubles, qui vont construire la France de la seconde partie du XXe siècle, et sur le travail de femmes racisées, d'hommes racisés, notamment de femmes racisées, qui vont devenir massivement travailler, qui sont importées notamment de Guadeloupe et de Martinique et d'ailleurs, pour travailler dans les hôpitaux, les crèches, les hospices, pendant que les femmes blanches françaises peuvent monter dans la hiérarchie du travail. Donc il faut constamment croiser l'étude de la manière dont la force de travail est organisée, comme on appelle ça, c'est-à-dire qui est assigné à telle tâche, qui est assigné à d'autres, à qui profitent les lois sociales, à qui ne profitent pas, qui est favorisé par les lois de protection, qui ne l'est pas, qui est mis en dedans et en dehors. Et on le voit comment la France, pour parler de la France, va organiser la question des papiers. Qui a droit aux papiers, qui a droit à la résidence, qui fragilise encore. Donc il faut mettre tous ces éléments ensemble pour comprendre la situation dans laquelle les femmes aujourd'hui qui nettoient sont mises, qui sont massivement des femmes noires, massivement des femmes racisées, ou qui s'occupent des enfants, qu'on voit toutes les nounous qui s'occupent des enfants de la bourgeoisie, qu'on voit à Paris ou dans la grande ville. Donc cette division raciale et genrée et sexuée et de classe du travail, de soins, et du travail et des travaux nécessaires au fonctionnement de la société, mais qui doivent rester, si je pouvais dire, dans la cave, invisible, qu'on ne voit pas, mais qui permettent aux étages au-dessus d'être propres et clairs et avec de grandes fenêtres. Cette architecture, elle est toujours, elle se met en place. Et effectivement, elle connaît des évolutions, notamment parce que les femmes noires et racisées se battent, se luttent sans cesse, mais cette structure reste là. Et donc on a, il y a, on le voit, une continuité des échos entre les siècles d'esclavage et de colonialisme et aujourd'hui. Et je dirais aussi même que les femmes dans les sociétés européennes continuent à profiter du travail exploité des femmes du Sud. On peut le voir dans la mode, par exemple, c'est-à-dire qu'on peut sont offertes aux femmes d'Europe des produits, je ne sais pas, que ce soit les vêtements ou le maquillage, enfin peu importe, qui sont de moins en moins chers parce que les femmes au Bangladesh, au Vietnam, au Cambodge, au Maroc, en Tunisie le font tout cela. Et donc, un accès à des marchandises avec des prix de plus en plus accessibles quand même malgré tout et qui reposent sur ce travail exploité. Donc cette organisation au niveau local et mondial d'une vie un peu plus confortable repose sur l'exploitation. La chose peut-être qui change un tout petit peu, c'est que que le néolibéralisme aujourd'hui étend son pouvoir même à des populations en Europe. Et qu'on voit donc des populations en Europe être appauvries et soudain se retrouver évidemment avec toutes les. Ce qu'on a vu arriver dans le Sud global, ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel qui ont été absolument effrayants pour les économies et pour les peuples, on les voit arriver un peu en Europe. Enfin, Françoise Vergès, pour aborder la question de l'invisibilisation, nous parle d'une normalisation et d'une naturalisation du travail exploité. C'est-à-dire que nous-mêmes nous refusons de voir les femmes qui nettoient, c'est-à-dire que nous les voyons, mais sans les considérer réellement comme des êtres humains. Il y a eu je pense, c'est cette normalisation et naturalisation du travail exploité. Je veux dire, combien d'entre nous, on pourrait dire même, je ne sais pas, si on est dans un hôtel, on croise une femme de ménage, on ne la voit pas. On ne la voit pas. On ne la voit pas au sens où, évidemment, on la voit, on la contourne, on ne va pas lui rentrer dedans, mais on ne la voit pas au sens où on ne prend pas conscience que quand on va revenir dans la chambre où on est, si elle est propre, c'est que quelqu'un est passé par là. On n'a pas conscience quand on arrive dans une gare que des femmes vont nettoyer constamment. Les femmes de la gare du Nord disaient que c'est un travail très dur, très sale, très très sale. Donc c'est cette naturalisation, cette normalisation qui fait que nous-mêmes, enfin quand je dis, comme vous le dites, pas seulement les femmes blanches bourgeoises, mais on a appris à ne pas voir. On a appris à ne pas voir l'homme noir qui est à l'entrée d'un magasin. Comme je dis, on le contourne. Donc l'invisibilité, ce n'est pas le fait qu'on ne le voit pas, mais qu'on le voit et on ne veut pas voir ce que ça signifie. Donc on voit comme si on voyait un objet qu'on contourne pour ne pas rentrer dedans. Mais on ne le voit pas comme un être humain posé là, dans une position. Et il faut réapprendre à cela. Il faut comprendre que le monde autour de nous n'est pas, c'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. Ce n'est pas des lois physiques. C'est un monde construit par des êtres humains et qui a été construit pour maintenir ségrégation, inégalité, injustice, sexisme, racisme, dépossession, et qui donc peut être fait autrement. Donc je dirais qu'une des choses, pour en tout cas celles et ceux qui sont conscients de cela, c'est de réapprendre à regarder autour de nous et de se dire, mais pourquoi c'est comme ça cette affaire-là? Mais je vais un peu regarder derrière, là, parce que ça se présente comme ça, alors je regarde ça, je passe à côté, mais si je regarde derrière et je tire ce fil, puis je tire ce fil, je vois comment ça s'organise. Donc par exemple, si j'achète un t-shirt et je vois Made in Bangladesh, bon, je dois peut-être essayer de savoir, mais ça veut dire quoi ça? C'est où le Bangladesh? Qu'est-ce que c'est? Et c'est un savoir qui élargit mon monde. En fait, au lieu de c'est parce que parfois on peut dire oui, mais enfin il y aura trop de choses à savoir. Non, parce qu'en fait du coup le monde prend sens et c'est ça nous tombe pas dessus. On dit pas oh, mais pourquoi tant d'injustice? Il y a tant d'injustice parce qu'il y a des personnes dont l'intérêt est vraiment très fort de maintenir ces injustices. Ce sont des intérêts matériels, mais aussi des intérêts de statut social, de statut culturel. Et nous devons, un des grands travaux, ça a toujours été le travail des opprimés, de dire, non mais ça c'est pas naturel, ce que vous nous dites là, c'est pas du tout normal, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça a toujours, de dévoiler, de lever le voile sur le mensonge, a toujours été un travail. Des esclavagisés disant, non mais l'esclavage c'est pas normal, hein, l'esclavage des Noirs, là, c'est l'esclavage des Noirs, il faut toujours préciser, parce que c'est pas seulement de l'esclavage, c'est l'esclavage des Noirs, c'est pas du tout, il n'y a rien là, c'est absolument pas naturel. Hein. Donc nous on va se battre, hein. Et donc en face, mais si c'est naturel, c'est normal, c'est comme ça, c'est même bon pour vous, et donc c'est percer le mensonge, faire éclater le mensonge, fait partie de cette pédagogie pour répondre à votre question sur pourquoi. Et pourquoi les féministes bourgeoises blanches ont intérêt à maintenir ce mensonge, à maintenir ce masque, ce voile devant la réalité. Parce que dès qu'on lève ce voile, on voit leur position de complicité. Et du coup, leur discours sur « nous sommes aussi victimes », tout cela, éclate. Parce que si vous êtes victime, venez aux côtés des femmes qui luttent. Venez, mettez-vous à côté ou mettez vos corps même devant puisque vous ne serez pas frappé de la même manière. Vous ne serez pas réprimé. Alors faites-le. Continuez à dire oui, mais enfin quand même. J'ai eu des réponses. C'est quand même mieux qu'elles aient ce travail que rien du tout. J'ai eu des réponses comme ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux qu'elles aient ce travail parce que sinon elles n'auraient pas... Et je leur dis, mais vous vous posez la question pourquoi des Marocaines, des femmes du Mali ou du Sénégal ou d'Algérie se retrouvent dans cette situation? Vous pensez, vous seriez prêt à aller en Algérie faire femme de ménage? Vous trouveriez ça, après tout, normal? Ça fait partie de la... Et vous vous diriez, c'est quand même mieux que rien? Apparemment, et s'il y a un travail, effectivement, pour l'instant, les femmes blanches bourgeoises, féministes blanches bourgeoises, ne réclament pas tellement de changements dans le monde du soin et du nettoyage. Ça ne semble pas être leur combat principal. Françoise Vergès montre dans son ouvrage que cette exploitation économique est beaucoup plus prononcée pour les personnes racisées, notamment page 16, je cite, « Pour le néolibéralisme, le corps performant est celui d'un homme blanc. En pleine possession d'une force physique, normée comme masculine, qui se lève tôt, fait son jogging, mange bio et travaille, sans compter ses heures, à sa réussite économique. Ce que cache cette représentation du corps valide, c'est que sa performance est rendue possible par le travail de corps racisés. Les femmes de ménage qui ont nettoyé sa salle de gym, ses bureaux, le restaurant où il donne ses rendez-vous, l'hôtel où il retrouve ses amis, toutes ces femmes qui sont rendues invisibles et dont le corps s'épuise pour que le sien s'épanouisse. Fin de la citation. Comme nous avons pu le voir, les femmes de chambre subissent des oppressions qui s'inscrivent dans une continuité de l'histoire coloniale, finalement. Aujourd'hui, le groupe hôtelier Accor et son sous-traitant STN sont assignés au prud'homme. Ils ont décidé de ne pas écouter ces femmes, elles continuent alors la lutte sans relâche. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à soutenir cette lutte et à suivre le compte Instagram Par nos voix. Pour terminer, je vous mets le clip Dur, dur ménage, clip de Bobby Audet, mari d'une des meneuses de grève, qui a été tourné avec les femmes de chambre. J'ai technicien de surface, se lève à 5h pour aller faire le ménage. Mais je vois que certains ne les considèrent même pas. Pourtant ce sont eux qui nettoient tous les bureaux, les gares, les hôtels, hôpitaux et les centres-mères.